gonfler les pecs et de tous vos pics. De tous vos fakes que vous faites sur net, le rap ça va vite. Suffit d'une basto, c'est tout le monde surveille. Un petit conseil, surveille ta reçue. Quand on flippe pas si ça sent le roussi. Ça va bien si tu vois je grossis. Si tu dis comme Rousseau, me garder en Croatie. C'est ça les hommes, les gens qui soutiennent tous ceux qui me raisonnent. S'enfoncer la zone, les mains que c'est mort, mais y'a plus personne. C'est ça les hommes, les gens qui soutiennent tous ceux qui me raisonnent. S'enfoncer la zone, les mains que c'est mort, mais y'a plus personne. J'suis dans la tête, tous les jours. Toi tu la haisses. Colombienne à la merde, le shit est la verte. L'allemand, la fin max, bah ouais, tu connais. Ça perd pas ses couilles quand faut te niquer ta mère. Les armes, l'argent font tout voir, je te respecte pas pour ça. Y'a des balles qui vont pleuvoir si ça continue à faire les yakuza. Belle la latina, j'suis grand que le Vatican. Vrai d'assassinat, ou qui repartent en patinant.